l'étalon de peluche galopée, écrasant mes douces idées. Il a été poursuivi par le temps, ce qui lui permettait de galoper longtemps. Mais le temps se jouait de lui, car à galoper, il a oublié de vivre sa vie. Et le temps s'amusait à l'épuiser, juste pour, comme la peluche qu'il était, sur une étagère le poser, parmi tant de vies qui lui ont ressemblé. L'étalon, dans son galop, a fait tomber la peluche inanimée d'un autre animal. Alors la vérité s'est immiscée dans son esprit, il était en train de gâcher sa vie. Comme l'herbe était verte et le soleil pas ingrat, dans la prairie, il s'installa. Comme il avait retourné sa veste, le temps partit chercher une autre bête. Mais l'étalon, quand le bête passa, chaque fois les arrêtait. Et le temps dut attendre la fin des animaux pour pouvoir les prendre. Ce poisson qui n'a de cesse de croître en haine, depuis si longtemps je ne cherche pas à aimer, mais malgré tout je t'ai trouvé, et si tu ne veux combler mon âme, alors renvoie-moi que je me damne. Je n'arrive pas à dormir, je pense trop à toi, pourquoi suis-je si sensible? Tu me débats au fond de mon lit, en ruminant mes pensées, et mon stylo comme un pieu dans ma chère peau déverse en flots sur le papier. Je me débats dans mon lit, en ruminant mes pensées, et mon stylo comme un pieu dans ma pauvre peau verse sur le papier blanc. Je me débats au fond de mon lit en ruminant mes pensées, et mon stylo est comme un pieu qui déverse sur la feuille le poison qui coule dans mes veines. Fais chier, je t'aime. Et tous ces mots qui me tourmentent ne sont que les fruits de mon périlleux amour. Pour toi, s'il le fallait, j'écourterai mes jours. Mais je ne peux disperser pareil à un vautour, mais je ne peux disposer pareil à un vautour du moindre sentiment qui me soit donné. Mais t'aimer ne me donne aucun droit sur toi. Un maigre ruisseau, une maigre mer de pensée verse sur la feuille blanche. Il ne faut pas prendre les autres pour des cons, même s'il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Si on part de cette réflexion, on peut tout excuser, car en fait, on fait semblant de respecter les autres. On les trouve tous bêtes et on essaie de leur faire comprendre les choses. À ce niveau-là, on fait avec nos moyens, puis c'est comme une mission. Il faut que les gens comprennent que la violence ne résout rien, mais on n'en est pas convaincu, sinon pourquoi ces guerres partout ?